Psaume 134. Cantique de Mahalot. Voici, bénissez l'Éternel, vous, tous les serviteurs de l'Éternel, qui assistez toutes les nuits dans la maison de l'Éternel. Élevez vos mains dans le sanctuaire, et bénissez l'Éternel. L'Éternel, qui a fait les cieux et la terre, te bénisse de Sion.